Oh, sur scène, mon ami, espontant. Les bacs que tu m'as fait, j'avoue, franchement, j'avoue. Je me suis régalé. Avec SHD, il était là, je sais pas ce qu'il avait là, c'était un stade de foot, mon ami. Bah, excuse-moi de te couper, t'as vu, mais j'aimerais juste te parler d'un truc. Ouais. Tu sais, l'examen de conscience, il y avait un sujet libre. Moi, je voudrais juste savoir, toi, t'as mis quoi? Ben, j'ai mis que, tu vois, dès que j'ai commencé à écrire, à faire du rap, quoi, tu vois, si, toujours eu cette dalle de percer, de faire vraiment de la musique, tu vois, de réussir dans mon domaine. Mais il y a toujours eu ce truc bizarre, t'as vu, que plus j'y crois, plus j'ai l'impression que ça paye. Bah, normal. Tu vois, normal, donc c'est pour ça que j'ai décidé, tu vois, de parler de ça, quoi. Et sinon, toi, tu t'en es sorti, t'as parlé de quoi à peu près? Moi, écoute, j'ai pas mon brouillon sur moi, je l'ai laissé chez moi, mais en gros, mon sujet, tu vois, je l'ai appelé la forme et le fond. Du style. Et par exemple, un exemple. Moi, tu vois, je fais 1m95, tu vois, je m'habille qu'un riz, donc forcément, les gens, dès qu'ils me voient, ils ont une image de moi qui n'est pas forcément la bonne. Donc, moi, dans mon sujet, j'ai vraiment voulu mettre l'accent sur la forme et le fond, tu vois, histoire que les gens, ils en sachent un peu plus sur mon fond que sur la forme. T'as bien fait, franchement. Pour revenir à tout à l'heure, là, sur le concert, je te parlais. Ou tu vois. Ben franchement, j'avais une idée, c'est de faire un morceau pour dire aux gens, ou pour, si tu préfères, leur dire ce qu'on prévoit. Ouais. Tu vois, genre on leur annonce quelque chose de violent, tu vois. J'avoue. Ben écoute, ce qu'on peut faire, tu vois, c'est... Vas-y, dis. Viens, on se cale dans l'hélicoptère, et on leur fait un truc d'un stage, tu vois. Un truc d'un stage, mon gars. Si.